L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Est-ce qu'on a entendu, là? Ceci est ton corps, c'est la fille que j'ai rencontrée à Paris l'année dernière. Le moment s'invite à nous, oui, pour un élan rénaldien, une conscience... Ah, ça brise un peu, hein, ça... Et ceci est mon... Oh, monsieur! Priez pour nous. Amen, amen, amen, amen, amen. Oui, monsieur. Amen quoi? Amen le silence, parce que j'ai fermé le studio qui nous était... Amener vers l'extérieur, faut pas s'extérioriser devant l'intériorisation du genre humain. Hey, je comprends trop, moi, là. Je suis comme une machine qui s'introduit dans... Ça laisse à désirer, mais on vous pardonne. Ah oui? Bon, d'accord, merci. Mon enfant, je te pardonne, reviens vite auprès de moi, reviens vite que je te donne tous les baisers d'autrefois. Ah! Ça fait pleurer des mères, hein? On les sent. Là. Ça laisse à désirer, mais on vous pardonne. Mon enfant, je te pardonne, reviens vite auprès de moi, reviens vite que je te donne tous les baisers d'autrefois. Ça laisse à désirer, mais on vous pardonne. Mon enfant, arrête-moi ça, toi! Ok, excusez-moi. Alors, le moment s'invite à nous. Il était pas de bonne humeur, il était presque méchant. J'étais méchanceté incarnée. Comme un ongle méchant qui s'incarne dans le pied pour faire souffrir la personne qui marche parce qu'elle ne doit pas marcher, elle doit s'élever dans la masse. Alors, tous les gens qui ont des problèmes d'incarner, là, c'est parce qu'ils doivent pas marcher, mais s'élever. Mais c'est très simple et c'est ça. Mais voyons donc, vous êtes cinglé. Je suis très, très, très lucide devant cette incompréhension factice qui se veut être une mobilité presque réduite intellectuellement. Oh, monsieur. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. L'errance rénaldienne n'est pas nécessairement propice à tout ce que vous entendez. Si vous avez des incohérences intellectuelles, c'est tout à fait anormal, puisque tout ce qui se produit actuellement est d'une normalité Céline Dion! Céline Dion. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit. Qu'est-ce que tu dis là, toi? J'ai dit non. OK, dis non. Arrête de dire non. Je dis non. OK. Dis oui. Je dis oui. OK. Dis peut-être. Je dis peut-être. OK. Je dis. Non, on n'est pas jeudi, on est vendredi. Vendredi. OK. Une consonance de l'esprit. Arrête-toi. On arrête, on s'arrête, on nous arrête. Écoutez, on vous demanderait de vous arrêter ici maintenant, là, parce que c'est une émission totalement étrange, venue d'ailleurs, on n'aime pas ça, puis on se trouve totalement... comment t'appelles ça, donc? Intorexique. Et non, dyslexique. Dyslexique au niveau... Du cervelet nerveux. Parce qu'il est en nous. Puis on aimerait avoir une pizza. Voyons donc, toi! On s'excuse infiniment. Mais c'est dyslexique. Très dyslexique. On veut pas se dyslexique. C'est une interférence. On s'interfère. Oh mon Dieu. Le moment de l'esprit, ça s'ouvre, s'incruste, s'écarte, s'humidifie. Eh mon Dieu, j'ai chaud, il fait du froid. Eh mon Dieu, j'ai moins 48, qui fait chaud. Georgette, il fait chaud. Voyons donc, moins 43, il fait froid. Ah, il fait chaud, on est chaud, il fait froid. Le moment s'invite à... Il fait quoi? Il fait quelque chose, lui-là. Il fait de la radio! OK! Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane... Il lèche le doigt, il tourne la page. Le plaisir vous sert un océan d'amour. Un océan d'amour. jour entre le plaisir et moi, un océan d'amour, ça se publiera, je ne publierai avant mes derniers jours cet élan d'amour entre vous et moi. Et c'est bon, ça, c'est un beau succès, bravo, merci. Merci, ça vient de moi. Puis on aimerait bien dire que nouveauté sur ce corps, mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Wouh! Pas aux esprits, oui, les esprits, wouh! Ça valse, hein? Oh, tous les esprits valsent. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps. Du côté de l'amour, une valse à 20 ans, c'est toujours moins bon. Donc. Alors donc, sur ce corps, mille trésors, oui, cet atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Oui, oui, oui, nous disséquerons avec une personnalité morte aujourd'hui. Entrons en communication avec... Oh, monsieur. Saint-Exupéry! Oh, Saint-Exupéry! Alors, pour rentrer en communication avec Saint-Exupéry, On te le dit que Doron, si tu guéling-guéling, tu sais dehors. Ah, ben, je m'en vais dehors. Ben, tu t'en vas dehors. Je m'en vais dehors. Tu t'en vas. Ben, je m'en vais. OK. Alors, tous les gens qui sont à l'intérieur. Moi, je suis dehors. Ben, va-t'en dehors. Je m'en vais dehors. Tous les gens qui sont à l'intérieur, joignez vos mains. On les joint, loin bien serré, on les allume dessus. Non. Les joints, on se joint. On se joint les mains. OK. Et puis là, on est ensemble. On est très moi, je peux pas être plus ensemble qu'avec les ensembles des personnages qui sont autour de moi. Qui sont-ils? Ben, il y a Brebis la Geneviève, il y a Gala la Meneuse, il y a la belleuse, et la belleuse. OK, ah, c'est plein de monde, ça, là. Alors, joignez-vous. On se joint les mains, on se joint, roule. Non, on se joint les roussatules, OK, devant toute cette table. Et puis, on va parler aux esprits de Saint-Exupéry. Avant tout, là, on va faire un langage totalement terrien. Saint-Exupéry, si tu nous entends, frappe un coup. Ouais, mais il doit pas aimer nos liaisons. Hein. Saint-Exupéry, si tu nous aimes, sans doute, là. Hey, le petit prince. le petit prince, si tu nous entends, frappe un coup. Ah, mon doux, il nous entend, lui. Il est branché à CKRL. Le petit prince, es-tu branché à CKRL? 89.1? À Montréal? À Québec? Ah, il est branché, c'est que c'est à Québec. Saint-Exupéry, si tu nous entends, frappe un coup. Arrête de dire ça, il comprend pas. OK, excuse-moi. Saint-Exupéry, si tu nous entends, frappe un coup. Oh, un petit coup. Tu nous entends un petit peu? Arrête ça. Tu nous entends un peu? Si tu nous entends bien, frappe un grand coup! On a peur, hein? Un petit coup. Oh, on a eu peur. On voulait pas que tu fasses exploser la station de CKRL et tous nos amis CKRLiens et tous les animateurs et les co-animateurs et les réanimateurs. Il y a beaucoup de réanimateurs à CKRL. Est-ce que c'est normal, monsieur le juge? Eh bien, écoutez, on est ici pour regarder tout ce qui se passe, et puis c'est pas simplement normal, cette émission. Et laquelle? Errance analdienne. Ah, oh, ben ça, on le savait, là. Oh, mais là, on le sait davantage. On a examiné. On a notre chien pisteuse. Qui? Notre chien pisteuse. Notre chien pisteuse. Non, notre chien pisteuse. Voyons. Oh, OK. Oh, excusez-moi. Vous avez une dislocation de la mâchoire. On m'a frappé hier. Où? Dans un bar. Un bar? Un bar. Un bar, OK. Je veux pas rire de vous. Riez de moi et vous irez en prison. Oh oui, monsieur. À 11. Ah, en prison, sans les 11. Les 11 vierges. Les 11 vierges de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, vous nous entendez? Si oui, frappez un coup. Si vous nous aimez, frappez deux coups. Si vous voulez avoir CKRL en haut ciel, et si vous ne l'avez pas, frappez un coup. Vous avez CKRL? Frappez deux coups. Hey, CKRL est rendu au ciel. On dit qu'on a les moyens financiers, c'est tabarnak. Hey, Charlie, quand t'entends ça, CKRL est au ciel. Oui, je savais, mais je voulais pas te le dire parce que Réginald Leclerc. Ah, oh, Mandou. Que pied est au ciel et son ciel est au pied. Oui, monsieur, et le pied est au ciel. Nous entend là-bas. Oh, OK. Alors, je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute en haut, dans l'au-delà, Serge Gainsbourg, Alain Bachung, Rita Bibelot. Elle est pas morte. Elle va mourir. On va la tuer. Elle va crever. On va l'achever. Hey, c'est moi, ça. On va t'achever. Ah, ben, es-tu malade? Oui, un peu. Ouais, en plus, on va passer un documentaire. Là. Le crime vous va si bien. C'est que ça, on va la déchiqueter. On va l'amener dans des morceaux de sacs de couteau. T'es malade, toi? Hey, non, on va te couper et on va te rentrer dans des condoms. Hey, t'es allé. OK, excusez-moi. Et puis donc, alors, c'est pas ça qu'on voulait dire, là. Hey, on est tard, là. Et comment? On a tort. On a tort puis on est tard. On est tard. Mais il n'y a pas de policiers au ciel. Ah, ben voyons, non. Tous les policiers vont en haut. En haut du ciel. Comment ça? Ils nous surveillent. Même les policiers nous surveillent dans le ciel. C'est-tu possible? Tabarnak. Oui. C'est inconcevable. Non, c'est un compte au cours. Hein, monsieur Lee. Hey, Lee. Là, on apprend quelque chose, là. On meurt. On est au ciel. Puis en haut, il y a la police qui nous surveille en haut du ciel. C'est quelque chose d'important de savoir, là, à soir, là. Que partout dans le monde, même quand on meurt, la police est là, là. C'est pas un métier, ça, c'est une consécration, ça, là, là. Il devrait pas être payé, ça devrait être bénévoleur, ça, là, là. Être policier, là, là, là. Saint-Exupéry, lâche-moi ça, là, là. Tu m'entends, Saint-Exupéry, c'est oui, fume un coup. Frappe un coup. OK. OK. Hé, hey, Saint-Exupéry, ça va bien? Oh non, on n'a pas dit frapper des coups. Si ça va bien, frappe un coup. Bon, t'es à côté de qui? Hé, hey, attends, mais si t'es une côté, es-tu à côté d'une fille, toi, là, frappe un coup. Ah, oh, ça va, je savais, là. Hey, est-ce que c'est Marilyn Monroe? Si oui, frappe un coup. Hey, Saint-Exupéry est à côté de Marilyn Monroe. C'est pas n'importe quoi, ça là, là! Cette émission-là, ça dit pas n'importe quoi, ça là, là! Hey, c'est important de savoir ça! Saint-Exupéry, Marilyn Monroe. Hey, ben, Saint-Exupéry, est-ce que t'as déjà avec Marilyn Monroe, là? Tu sais, si oui, là, frappe un coup, là! Hey, t'as frappé un bon coup, hein? T'as-tu aimé ça, un bon coup, hein? Avec Marilyn Monroe, toi! Ah, la marde, Saint-Exupéry, Marilyn Monroe! Il est des nôtres! Il a trippé comme les autres! Load all your guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured, and oh, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. Feel stupid and contagious. tranquillement, on t'a repéré, on t'a vu travailler. Voilà, ben voilà, c'était dans les années 80. J'ai travaillé avec des... J'ai commencé d'abord par des artistes plus ou moins de variété française que je ne sais pas si vous connaissiez. J'ai commencé avec des chanteuses comme Buzy. Oui, Buzy, oui. J'avais joué sur les Messettis de fin elle des années 80. Elle revient, je crois. Ouais, j'ai joué sur son dernier album. Oui, j'étais vu, il y a un documentaire voilà, qui est disponible. J'avais pas joué avec elle depuis 20 ans. Mais on l'associait beaucoup à Gainsbourg, hein, l'unité. Voilà, parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait un album ensemble. Oui, mais en même temps, elle essayait aussi de recréer l'univers Gainsbourg. Hein. Oui, dans les textes énormément, avec les jeux de mots anglais et tout ça, elle a toujours été très fan de Gainsbourg, mais elle s'en est jamais cachée. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle a mûri et son œuvre est très intéressante. Maintenant, voilà, elle a pris beaucoup de maturité. Bon, maintenant, c'est vrai que le marché du disque étant ce qu'il est, c'est plus difficile aujourd'hui. Elle n'a plus le succès qu'elle a eu à l'époque. Quoi, mais dans le documentaire en question, on voit que tu prends des initiatives à la guitare. Bah, tu dis, oh, non, on serait mieux de faire ça comme ça. Parce que c'était un peu dans ce documentaire, c'était un peu des retrouvailles, on va dire, presque un peu plus de 20 ans après. Mm-hmm. On n'avait pas travaillé ensemble pendant quasi 20 ans. Mmh. Et là, 20 ans après, elle m'a appelé pour faire son album. Fais quand même attention à ça. Ici, on pourquoi est dans un quartier... Pourquoi ça le faire piquer bon, ça peut arriver. Donc, mets une bouteille là. Voilà. Et on était... On a travaillé ensemble donc sur cet album. Elle m'a rappelé, c'était assez drôle parce que ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Tu vois, ça faisait au moins 10 ans qu'on s'était croisés, mais c'est au moins 10 ans qu'on s'était pas vu. Et voilà. Et donc voilà, j'ai retravaillé avec elle. J'ai joué sur son album. Voilà, quasiment 20 ans après avoir fait des trucs avec elle. Et donc pour en revenir au début, je commençais avec des gens comme ça. Il y avait Graziella Demichel qui était une chanteuse de l'époque. J'avais fait quelques artistes comme ça. Il y avait Gilles Kaplan. Oui, elle, j'ai fait 4 ou 5 albums avec elle. Donc ça, j'ai continué dans les années 90 avec elle. Et puis après, il y a eu, je suis parti 2 ans avec Carole Laure. C'est là que j'ai connu votre pays. Ah oui. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je veux cette fille qui était avec moi. Je veux cette fille, comprenez-moi. Quand je suis entré avec elle, elle avait un petit coup dans l'aile. Et maintenant je ne sais pas. Où est cette fille, seule fille qui était avec moi? Quand on s'est pointé dans cette boîte, il y avait l'ambiance genre roule de gare. Les frangines avaient la peau moite, tous les mecs nageaient dans le coltard. Au type qui flippait dans l'entrée, j'ai dit hey, tu l'as pas vu passer mec? Et comme cet abruti il me répond mais cette fille, seule fille qui était avec moi. Oh, t'énerve pas. Cette fille qui était avec moi, oh, oh. Mais les gars, je veux cette fille qui était avec moi. Oh, je veux cette fille, trouvez-la moi. Je vous préviens que si elle n'est pas là d'ici un quart d'heure, je fais un malheur. Oh, je veux cette fille. Je ne connais même pas. Eh, hey, dis donc, qu'est-ce qu'il veut ce type? Qu'est-ce qu'il a? Oh, t'occupe, hein. Retourne au bar. Allez, dégage. Il veut cette fille qui était avec lui. Il veut cette fille. Trouvez-la lui. Ok, il veut cette fille, ce soir est dans son lit. Du biberon jusqu'à la dernière, on se remplit. je viens de me rendre compte, Mme Thibaudeau, j'ai oublié de vérifier la recette. Quelle recette? Ben, la recette! Comment c'est... Ah oui, c'est vrai, le punch! Le punch, oui, c'est vous! Ben là, je t'ai pris dans les appels téléphoniques, j'ai répondu à plein de... Ben là, je sais pas où ce que c'est, mais écrasez-vous, prenez votre fessier, les gens vous entendent pas! Oh, excusez-moi. Est-ce que c'est vrai, vous m'entendiez pas? Ben, c'est... Voyons, donc, me prends-tu pour une menteuse? Non, jamais j'oserais, en fin d'année, de vous traiter de menteuse. Vous enjolivez la réalité. Ben, c'est ça! Ben, traite-moi de menteuse! Hey, veux-tu une chicane en direct? Non, non. Là, le non-non était descriptif. Pas descriptif, descriptif. Descriptif, en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Non, personne ne comprend, puis on essaie bien de visualiser nos oreilles. Oh! Comment vous avez dit ça? Ben, premièrement, là, c'est moi, l'animateur, qui coordonne tous vos problèmes interpersonnels. Hein. Bon, donc, vous êtes un psychologue? Ah, oh, je suis très psychologue, oui. Puis même un grand psychologue. Ah, oh, t'es un grand psychologue. En parlant de grand psychologue, ils ont-tu frappé aux portes pour demander s'il y avait de l'alcool? De l'alcool, la friction! Oh! Une collation de liens d'alcool, la friction! Non, non, oui, non, non, non! Il n'y a plus dans les maisons! Non, non, non, non, non, non! Ils ont pris un vrai banc, d'alcool, la friction! Oh! À la météo! Oh là là, quel flippeau! Seigneur météo! Oh là là, quel flippeau! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Non, mais la prochaine pluie, là, on m'a dit que ce sera ça ne sera pas de la pluie normative. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par de la pluie normative? Ben, ça sera pas classique, là! Vous êtes des gouttelettes traditionnelles, là, pis là, oh, c'est rigolo, mais les dames... Ah, c'est de la pluie, ah! Les messieurs, voyons, là. C'est pas des bombes, celles-là, là. C'est juste un peu liquidifié, ça nous tombe dessus, pis ça nous fait pas mal. Mais ben, ça fait mal à mes cheveux, OK? 250$ de remontage de cheveux, de coupage de cheveux, de crêpage de cheveux, de modelage de cheveux, ça c'est de l'or! Oui, mais placez ça dans l'or abstrait. Là, comment ça de l'or abstrait? De quoi j'ai l'air? D'un bouffon. Un bouffon! Tu me traites de bouffon! Ben, je vais vous montrer. Avons-nous un miroir ici? Sinon, il y a juste des vitres! Ouais, mais à travers la vitre, ben là, je vois quand même des touffes. Et voilà, vous êtes une touffe. Vous êtes une touffe. Ben, étouffe, toi! OK, j'étoufferai. J'étouffe maintenant, excusez-moi. Prenez pas ça comme ça, là. Mais je prends ça comme ça vient! Ça vient comment? Là, ça vient que... Je viens de me rendre compte qu'il y a des moments qui seront présentés en filmés et non filmés. Oh, alors donc, le but, c'est... Ben, c'est de l'écouter et de le regarder. Oh, mais là, en direct, c'est encore mieux. Oh, c'est très bien, c'est très mieux. C'est dans le plus que meilleur. Oh, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Oh, monsieur! Pourtant, t'as amené ta colle à dentier! Ben oui. Dis, on sait jamais, hein, mes petits sandwichs que j'ai préparés au beurre d'arachide. Wow! T'sais, ben, avec le pain frais et le beurre d'arachide, ça fait comme de la colle. Quand tu remontes pour mâcher, ça peut rester dans le... Ah, mais ça, c'est technique, hein, c'est très technique. C'est comme faire de la radio, tout est technique ici, hein. Mâcher une sandwich de beurre d'arachide est aussi technique que de faire de la radio. Hey, voyons donc! Il peut avoir des problèmes! Des graves problèmes. Ah oui, ça peut rester collé sa prothèse. Pfff, vous essayez de remonter. Puis là, on vous demande, on vous pose une question pendant ce temps-là, puis vous voulez sourire, puis oui, vous rendez compte que la prothèse est restée en bas du pain. Vous avez l'air intelligent, là. Ah, c'est. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer, pas vrai. Ça n'a pas d'allure. Mais oui, ça a une certaine allure. Regardez-moi le clou. Non, c'est comment t'appelles ça? On n'appelle pas ça. On l'appelle pas, il viendra pas. Ah, c'est vrai que si on n'y fait pas signe, il saura pas que c'est lui. Ben voilà, c'est une très bonne tactique. Tactique. Allons là. Ah, Charles Bukowski, ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, oui. Cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et je suis heureux de savoir que ici, là, devant moi, il y a un micro, mais avec extra capote par-dessus. Hein? Extra capote. Ils ont dit, ils se sont dit, c'est Rance Rinaldien, mettons des épaisseurs parce que ça va postillonner. Il est reconnu dans le milieu. On peut regarder même toutes les vidéos où il parle de postillon. Je pense que c'est son grand succès. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je crache toujours en première. Oh non, pas vrai, non, jamais, on n'osera pas. Et j'ai mis ma vie en haut d'une fille montgolfière, mais je n'ai qu'un seul regret. J'aimerais bien la voir monter plus haut, j'aurais voulu être, tu t'affroies pas le 31, je veux la faire le 31, oh ben fais-le, j'aurais voulu être... c'est régulier, toi, dans ton cas, hein. C'est comme, oui, c'est redondant. Oh. Redondant, mon Joe Madulette, c'était encore redondant. Il faut marier ta chouette. Il faut marier ta chouette, mon Joe. Ça, c'est la femme du hibou. Il faut marier ta chouette. J'ai des lunettes en forme de chouette. Oui, c'est pas chouette, non, c'est vrai. Ça fait dur. Sur le chapeau dur, toi, là. Tu es parti des lunettes cornes à cornes. Ah, c'est encore né dans mon visage. Là. J'ai demandé de placer du clou au niveau des auriculaires. Regarde, les auriculaires, c'est les mains. Non, mais non, tu gardais rien à l'œil. Tu sais, il y a l'iris. Hein? Il y a le... Je pourrais pas dire autre chose. Il y a l'iris. Il y a le sprisme. L'estrisme. Il y a l'iris, le strisme, l'esprisme. Et puis là, j'ai demandé de clouer ici, là, juste dans le milieu. Là, dans le blanc de l'œil. Ben non! Sinon, ça va gicler. C'est dégueulasse. Dans dinde, c'est très bon en 350 pendant 12 heures. Mais là, comme ça, sur un, comment on dit, sur une console radiophonique, là, ça gomme, ça colle. Puis, oh, monsieur. Là, pendant ce temps-là, j'étais en train de tousser et j'ai pigé un mot. Je m'en suis même pas rendu compte, je suis dans un coma profond. C'est bon ça là, jusqu'où le coma va vous arriver, jusqu'au cerveau? Jamais! Le coma restera là. Alors le titre, faut dire la première phrase avant de dire le titre. Et j'improvise là-dessus, c'est ça que ça veut dire. Henri se servit à boire et regarda par la fenêtre la rue de Hollywood déserte sous la chaleur. Hey, il fait chaud, hein? Pour le mois de décembre, moi, j'ai jamais eu chaud comme ça. Moi, je me sens comme à l'origine de l'hiver, on mettait des épluchures. Georgette, ah, berce pas sa chaise-là, hein? Oh, c'est triste. Faudrait que je me trouve une berceuse. Oh, my love. C'est pas une berceuse, c'est une chanson d'amour. My darling. Peut-être qu'il va se produire quelque chose. Une fusion entre un couple, là. I wonder who although I owe before. Eh ben, c'est sûr. Là, il y a des vitres qui ont cassé à Limoilou. Il y a des gens de la vitrerie limoiloise qui gagneront de l'argent cette nuit. Mais là, c'est ça. Alors, il fait tellement chaud, on met des épluchures. Hey, t'es dans le mail-up des épluchures. Oh oui. On est partout. On est comme Dieu, on est partout, partout, partout. Partout, partout, partout. On est même dans le petit coin. On vous voit dans le petit coin. Vous êtes pas très propre. Hey, veux-tu? On est dans le four à 350. La dinde, là, elle est presque cuite. Non, c'est pas ça le moment, là. Tu sais que pendant la prohibition... Hey, ça, c'était une belle année. Moi, j'aurais aimé ça naître à ça, ce moment-là, là, dans la prohibition, là. Puis là, on frappait aux portes. Et ça frappe. C'est en bas de ses CRL, il faut falloir quitter le micro. Mais non, c'est une mise en situation. Ça frappe pas vraiment, mon imbécile. Oh! Oui, allô? Non, attends un peu, là. Hey, là, tout le sketch, là. Tu vas tout briser, la blague et la chute. Y a pas de chute, c'est une improvisation. Ben non! C'est pas de l'improvisation, c'est écrit à la... Mais monsieur, t'as-tu vu le postien? C'est un numéro 3 qui est tombé là-dessus, là. Hey, mais j'aurais dû me placer, un ciré sur moi. Mais, on recommence. Mais là, pourquoi tu veux frapper? Ben oui, pour dire la phrase. OK. On savait pas. Ça répond-tu? Répondez quelqu'un! Ça... Oui, allô? Ah, oh, c'est bon, ça, c'est le monsieur. Oui, allô? Oui? On ouvre la petite vitre. Là, il y a un grillage. Ben, c'est pas une vitre, c'est une porte grillagée. Puis là, il y a le grillage là, pour entrer. Là. Moi, je connais le mot magique. Comment ça, le mot magique? Il n'y a pas de mot magique. Ben oui, j'ai frappé. Hein? Là, vous avez ouvert le petit grillage. Là, il y a un grillage. Je vous vois à travers le grillage. Oui! Mais pour rentrer à l'intérieur de cet établissement qui est clandestin. Comment? Qui est clandestin. Comment ça, je suis un sans-dessin? Non, vous n'êtes pas sans-dessin. C'est clandestin! Clandestin! On n'a pas le droit de rentrer là, mais si j'ai le mot magique, je peux rentrer. Bon, il se prend pour Houdini, lui, là, là. Il connaît des affaires magiques, là. Parrain Pimpin, tourne là, tu ne seras plus là. Voyons donc, je te vois. Mais non, c'est pas ça. Mais non. C'est un mot pour que je puisse pénétrer. Hey, tu pénétreras pas partout. Tu pénétreras pas n'importe qui. Tu pénétreras pas là. Hey! À l'intérieur, il y a un petit bar. Mais je peux pas répondre à ça. Non, mais il y a quelque chose. Il y a du monde. Il y a des gens. Je peux pas, moi, là. Je me sens comme diminué si je dis des vérités. Et tu te battes, es-tu là? Ah, on peut pas dire. Ah, il dit. Rien, il dit. Oh, non. Oh, ben, mais là, c'est-tu le moment de frapper? Mais non, c'est pas le temps de frapper! Ce gars-moi là, Annie qui vient! On peut pas la laisser toute seule, elle, hein? C'est Edith et Annie, c'est ensemble. Ah, la yo-yo, gadjima, sur ton grand chapeau. Qu'est-ce que c'est ton chapeau, y'a rien? Là, c'est ça la samba, mais là, c'est pas ça, madame, monsieur, êtes-vous une madame ou une monsieur? Ben, premièrement, là, vous avez fait peur à mon père, c'est moi qui est là devant la porte, là, puis on n'aime pas bien ça, des gigolos de votre part. Je suis pas un gigolo, je vends pas mon corps, ça vaut rien, cette affaire-là, regardez-moi! Mais ça, vous avez entièrement raison, là. Mais là, qu'est-ce que vous voulez, là? Vous avez frappé pendant 15-20 minutes, puis là, on est là devant le grillage, puis là, on attend, là, vous avez quelque chose à dire? Si vous avez rien à dire, partez! Ben, on a quelque chose à dire, on a le mot secret! Hey, vous savez qu'aujourd'hui, là, c'est la prohibition. Ben oui, on sait. Pas n'importe qui a le droit de rentrer dans n'importe quoi. Ben là, moi, je rentre jamais dans n'importe quoi. Je demande avant, je frappe aux portes. Si vous avez pas la phrase magique, on peut pas vous laisser pénétrer. Oh! Oh! Mon magique pénétré! Si je vous dirais, mon frère, monsieur, là, on est ici entre vous et moi. Oui! Entre vous et moi. Entre vous et moi. Oui! Si je vous dis comme ça, là, les carottes sont cuites. Oh, monsieur est privilégié, on vous ouvre la porte. Oh, et puis là, il y a plein de monde. Ben, en fait, c'est pas du monde, c'est le monde à quatre pattes en train de chercher leur, leurs lunettes. C'est pas leurs lunettes, mais quand t'es quelque chose, leurs lentilles cornéennes. Oh, mais allez, ça, c'est de toute beauté, puis on aime ça comme ça. treasures remain, so does the pain. Worlds are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only quelle tournée, Carola? La tournée Bonsoir mon amour. Ah oui, oui, oui. Et puis chez 16 nous vendre des deux albums. Ah. Et en fait, j'ai... Avec Furry, Kevin Ferret. Oui, voilà. Oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai connu votre pays, parce que j'ai passé quasiment deux ans, plus de deux ans, à venir tout le temps chez vous. Quoi. C'est comme ça que j'ai connu Montréal et que j'ai découvert le Québec. Oh, oui. Ça, c'était entre 90 et 92. Ah, c'est merveilleux. Et avec... ensuite, tu as fait Tiersen. Je t'ai vu avec Tiersen. Non, j'ai jamais travaillé avec Ian Tiersen. Non. Excuse-moi, avec Higelin, Jacques Higelin. Ça c'est bien plus tard, c'est des années plus tard. Ok. Non, entre temps j'ai fait, j'ai travaillé avec Jane Birkin. Sur quelle tournée? J'ai travaillé sur la tournée de l'album, tu sais, l'album des reprises de Gainsbourg. De Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Oui, après sa mort, c'est ça? C'était ça. Elle avait fait un album où les Négresses Vertes jouaient dessus, où il y avait. Ah, ok. Je me rappelle plus le titre de l'album. Ok. Puis j'ai fait plein d'artistes que vous connaissez. Tu fais des tournées au Québec avec elle? Non. Okay. Japon et France. Oh, Japon. Ouais, ouais. J'ai fait des artistes, je sais plus, j'ai fait j'ai joué avec Jeffrey Oriema, j'ai joué avec un artiste américain qui s'appelle Garland Jeffries. Oui, moi, oui. J'ai fait ça, c'est les années 90. J'ai fait une petite tournée qui n'a pas duré longtemps avec Sylvie Vartan aussi. Ok, et pourquoi voilà. Ça n'a pas fonctionné Si, ça fonctionnait, mais c'était pas vraiment mon univers. Ok, c'est toi qui as quitté. J'ai pas quitté, non, j'ai fait jusqu'au bout, mais c'est pas. Ok, ça te plaisait pas. C'est pas que ça me plaisait pas, c'est que c'était pas tout à fait mon univers pour lequel j'ai fait. Et puis bon, je sais plus le artiste. Et puis après, pendant des années, à un moment donné, j'ai réalisé l'album Marie-France, j'ai composé les chansons, j'ai retravaillé encore avec Birkin un peu à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai traversé une période. J'en avais assez de la chanson française, du format chanson, de tout ça, parce qu'on m'appelait que pour des choses très variétées qui ne me plaisaient pas. Et à un moment donné, j'ai eu à la fin des années, vers la fin des années 90, j'ai complètement arrêté toute la chanson française. Et je n'ai fait que de la musique africaine et du raï. Rocking. CKRL, cultive tes goûts.